Le représentant de la République populaire démocratique de Corée a prononcé le 3 avril un discours dans la session de la Commission du désarmement de l'ONU 2017. Voici le résumé de son discours. Le désarmement nucléaire général est parfait et l'élimination de la menace constante pour la paix et la sécurité mondiale ne sont possibles que quand on met un terme à la menace nucléaire et aux actions militaires des États-Unis visant à effondrer par la force les États souverains. L'ambition d'hégémonie ouverte et la modernisation de l'arme nucléaire des États-Unis, première puissance nucléaire mondiale et criminelle qui a infligé les catastrophes nucléaires à l'humanité pour la première fois dans le monde, n'entraîne que les dangers de guerre nucléaire et la course aux armements nucléaires sur la planète. La péninsule coréenne est aujourd'hui le point chaud le plus dangereux dans le monde, avec le risque d'un conflit nucléaire. Comme la communauté internationale le constate chaque année, la situation de la péninsule coréenne tombe fréquemment dans l'état incontrôlable à cause des États-Unis qui poursuivent la politique d'hostilité vis-à-vis de la Corée et livrent souvent les exercices de guerre d'agression dans la péninsule coréenne et à ses environs. Tant que les États-Unis et leurs suivistes continuent la menace et le chantage nucléaire et qui ne cessent pas la campagne d'exercices de guerre voilée d'annualité à notre face, nous renforcerons constamment nos forces d'autodéfense basées sur les forces nucléaires et notre capacité d'attaque préventive. La Commission du désarmement est appelée à être vigilante particulièrement contre la violation de la souveraineté et les complots de renversement de régime exprimés sous forme de menaces nucléaires grossières, manœuvres militaires, sanctions et embargos. Pour terminer, le représentant coréen a réaffirmé la position de soutenir les activités du mouvement de non-alignement en faveur du désarmement nucléaire universel et complet et de s'efforcer pour leur réalisation.